qui peut rire, qui peut pleurer, qui peut grandir ou déchirer, qui peut même te raconter avec les mots, de simples mots. Tu peux m'écrire et tu peux me dire tes mensonges. Thank you.